Non, mais je vais vous raconter là, c'est trop énorme. La vie de Jupiter que on toque à ma porte. On toque à ma porte. J'ouvre là, qu'est-ce que je vois? Deux bleus. Mais deux bleus dans le noir. Ils étaient dans le noir, ils étaient tout bleus, comme des schtroumpfs. Ils me demandent si je peux les inviter à rentrer. Je dis, ben, pas de problème, hein, si vous voulez, vous prenez le café, vous vous installez, cacahuètes, tout ça, on va discuter. Et là, il me demande si tout va bien. Je dis, ouais, tranquille, j'ai le ménage à faire, un peu le bordel, mais ça va. Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'idée de venir chez moi? Vous êtes convoqué à la gendarmerie. À la gendarmerie? Oui, la gendarmerie, c'est nous, vous voyez, écrit gendarmerie. Voilà, du coup, on se dit au revoir, très bien, à tout à l'heure, on verra la gendarmerie. Bon. Je me rends à la gendarmerie, pas tout seul, mais je m'y rends. Voilà, je connais le chemin, j'y vais à pied, je suis pas pressé, tout ça, convocation, vas-y, discussion, enregistrement des conversations, prise de photos, tatouage, tout le bordel, empreinte digitale, ça y est, j'ai un casier, il est ouvert, c'est parfait. Ça va aller loin tout ça, je le sens. Je rentre chez moi, tranquille, je digère, j'apprécie. En même temps, à la gendarmerie, j'ai pris une canette de coca. Je l'ai laissé sur place, hein. Je dis, ouais, les déchets, si vous vous en occupez, vous n'avez pas que ça à faire. Hein. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Et là, quelques temps plus tard, rebelote, coup de fil. Où es-tu? J'ai dit, quoi, où je suis? Je suis chez moi. Ils me disaient, on arrive. Ils arrivent. Qu'est-ce qui... Je les attends, je fume une clope, deux clopes, je bois un petit café. Ils viennent chez moi et vas-y, qu'ils viennent à plusieurs, tranquille. Ils rentrent, ils font comme si c'était chez eux. Et là, je dis, la tête de Jupiter, mais ils commencent à me les gonfler, mais ils veulent me. Non, mais. Ils veulent me. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? La gendarmerie, c'est même pas la municipale, c'est la gendarmerie. Du coup, je commence à péter un câble, je bois un café, deux cafés. Presque je demande l'autorisation pour boire le café, tu vois. Et là, je me dis dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible. Et là, je me dis, à quoi ils veulent jouer? Mais qu'est-ce qui leur prend? Moi, j'ai pas de problème, tout va bien, j'ai des soucis par rapport au dossier, tout ça. Qu'est-ce qui me casse les couilles maintenant? C'est pas à moi qu'il faut aller voir, c'est pas moi qui casse les couilles. Du coup, je commence à m'énerver, je casse deux trucs. Je dis, mais dans ma tête, je me dis, mais ah ouais, ils veulent jouer à ça? Eh bien, on va jouer, tu vas voir. Moi, je vais y rentrer dedans, ils veulent savoir comment je m'appelle. Du coup. Je commence à mal leur parler, tout ça. Je leur dis, qu'est-ce que vous foutez chez moi? Dégagez, tout ça. La température commence à monter, le chauffage il commence à saturer, tout ça. Je dis, eh, c'est bon, j'y suis, je suis dans la merde, et bien je vais y aller jusqu'au fond. Je commence à péter la rondelle de la policière. Je lui ai fait comprendre qu'elle n'a pas à se la péter. Péter de sa rondelle, hein. Ouais. Parce que là, c'est trop compliqué. Il y a du monde, tout ça. Vas-y. Ah ouais, je dis comme ça. Je dis, si moi, vous me connaissez pas. Maintenant, ou vous dégagez ou vous m'embarquez. Maintenant, j'en ai marre. Je t'aime plus. C'est fini. Oh là là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai dit, mais ils foutent rien. Ah ouais? Alors, c'est moi qui vais les provoquer, tu vois. Je vais leur dire, oh, soit vous me laissez tranquille, ou soit vous m'embarquez, c'est fini, tu vois. Du coup, je commence à dire, allez, foutez-moi les melottes là, si t'as les couilles, tu me fous les melottes et après on verra. Hein? Du coup, il se regarde, les gendarmes, tout ça, il me dit, mais qui c'est lui? Je dis, oui, c'est moi, oui. Du coup, je vois qu'ils foutent rien, tout ça. Tout se passe comme si c'était normal. Et je dis, allez, là j'y vais, je leur fonce dedans, il arrivera ce qu'il arrivera, mais au moins ça sera fait et je m'en débarrasserai de eux. Ils me foutent les menottes, tout ça. J'ai dit, je leur fais signe. Ouais, attendez, les menottes là, vous les avez serrées ou je peux je fais Alcatraz, je m'évade, tout ça. Je commence à partir à live total, n'importe quoi. J'ai dit dans ma tête, c'est bon. Voilà, à force de m'agiter, tout ça, à droite, à gauche, je tiens plus en place, tout ça. Ils m'embarquent. il m'embarque. Carrément. Les gyrophares, tout ça, machin truc. Si bon, eh bien, c'est parti. Voilà. Du coup, 1 an de prison. Ah ouais, il voulait m'essayer de me faire sortir. Je disais, non, moi j'ai. Attends. T'as dit quoi là comme peine, quoi, 6 mois? Je reste un an, moi, c'est bon, lâchez-moi là. Au moins les 6 mois en plus que j'aurais fait, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Alors, me cassez plus les couilles.